Poème, poésie, poète, vers, rime. Ma vie n'est plus liée qu'à ça. Elle s'accroche à un fil d'acier, un fil fin mais solide. Elle s'accroche à la poésie. Elle ne vit plus que de ça. Ma vie est triste. La poésie, c'est la petite bougie qui éclaire mon cœur noir de cendre. Mon cœur, du moins ce qu'il en reste, il est noir et néfaste. Je pleure, mes larmes sont toujours là, comme dans tous mes vers, toutes mes poésies. Elles font partie de ma vie. Je ne suis plus homme, je suis néant. Et je meurs lentement dans l'agonie de mes tourments. Je suis ivre d'angoisse, en manque de vie. Ma plaie ne veut pas se refermer, au contraire, elle s'ouvre et s'infiltre en moi, telle du poison. Sauvez-moi de cette décadence si longue et si douloureuse. Je me vois sombrer, je ne rêve plus, je ne dors plus. Et quand je ferme les yeux, les visions qui marcellent me font crier, crier ma vie. L'apogée est une des dernières choses qu'il me reste. Je rends mon dernier souffle de déchéance.